qui a le dent trois mains, qui nous accueille bien des fois. Mais ce soir-là, c'est les tonneaux qui n'ont pas eu pitié de moi. Le réveil en pleine mer a eu raison du trop-plein pierre. Mon camarade, es-tu bien là? Oui, mais ça bouge, j'aime pas ça. On n'était pas des marins, mais l'aventure, on aimait bien. Les rêves de corsaire en pleine mer, c'était notre horizon lointain. Mais le capitaine avait une idée bien moins belle pour les requins. On n'était pas tout à fait à point, alors sur le pont, on astiquait même les canons. Nos rêves de con nous ont laissé à l'abandon. Nos rêves de con, on les achetait au plus profond. Oh oh. Aïe, la, la, la. Le soleil se levait, la porte de la cabine grinçait. La peur montait en haut du mât, mais pas la peine, et quelle aubaine. C'était la fille du capitaine, elle était bien trop belle. C'était la fille du capitaine, un peu nerveuse de temps en temps. Quand elle montait sur le pont dans son accoutrement, serrait les chupons au menton, elle nous faisait grincer les dents. Mais le capitaine avait une idée bien moins belle pour les requins. C'était bientôt à point, alors sur le pont, on astiquait même les canons. Nos rêves de con nous ont laissé à l'abandon. Nos rêves de con, on les achetait au plus profond. Oh oh. Aïe, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Bien plus qu'un point, les capitaines avaient une idée.